Mais maintenant une chanson qui s'en va la fleur d'un bus. La langue dans la nuit, c'est lui qui relève plus. Mon putain les envers, mais bon y'a des vers. C'est très nourrissant, ça craque tous les dents. On fait du bien d'être grossier et vulgaire. Tintin et le milieu. Le capitaine a bien qu'a eu un gros choc quand il a appris qu'il touchait Zizi. Tintin est venu nous. Tintin est venu nous. Enfin tu goûtes ton titre. Tintin est venu nous. Il en faut pour tous les goûts. Si tu ne portais pas qu'on ne touche pas ton chat, il les a tués à grands coups de pied. Tintin et Mamilou, enfin sur tout son petit trou. Tintin et Mamilou, wow, il en faut pour tous les.